La CIA et les propositions d'assassinat au Guatemala. 1952-1954. Analyse du service historique de la CIA. Gerald K. Haynes, juin 1995. Introduction. Au début des années 1950, la CIA dirigea des opérations clandestines visant à renverser le gouvernement de Jacobo Arbenz Guzmán au Guatemala. À cette fin, l'on proposa de renvoyer les principaux membres du gouvernement Arbenz ainsi que les communistes hors du Guatemala. L'agence établit des listes d'individus à éliminer, envisagea d'entraîner des exilés guatémaltèques pour créer des équipes spécialisées dans l'assassinat et mit en place des programmes d'intimidation visant les principaux officiels guatémaltèques. Cette brève étude retrace dans l'ordre chronologique l'introduction de la planification et des propositions d'assassinat dans l'opération clandestine PB Fortune, qui visait le gouvernement Arbenz en 1952, puis dans l'opération PB Success de 1954. Cette étude vise à illustrer l'ampleur de ces planifications et le rôle joué par les officiels de l'agence. Elle tente aussi d'exposer en détail l'origine de ces propositions, qui les a approuvées, et l'état d'avancement des préparatifs pour ces actions. Finalement, cette étude examine la mise en œuvre de ces planifications et leurs résultats, c'est-à-dire en fin de compte l'abandon de ces projets. Aucun officiel du gouvernement Arbenz ni aucun communiste guatémaltèque ne fut assassiné. Elle se fonde presque exclusivement sur les rapports de la direction des opérations, Directorate of Operations, concernant PB Fortune et PB Success. Arrière-plan. Déjà en 1952, les responsables politiques des États-Unis étaient inquiets vis-à-vis du gouvernement Arbenz. Bien qu'il ait été démocratiquement élu en 1950, l'influence grandissante des communistes au sein de son gouvernement engendra la peur aux États-Unis, qu'Arbenz ait établi une alliance efficace avec les communistes. En outre, la politique d'Arbenz portait atteinte aux intérêts commerciaux américains au Guatemala. Une réforme agraire radicale exigeait l'expropriation puis la redistribution de la plupart des terres de la United Fruit Company. Bien que la plupart des officiels américains de haut rang aient reconnu qu'un gouvernement ennemi au Nicaragua ne constituait pas à lui seul une menace directe à la sécurité des États-Unis, il considérait les événements qui s'y passaient dans le contexte de la guerre froide et de la lutte grandissante au niveau mondial contre l'Union soviétique. Il craignait que le Guatemala devienne un pays satellite depuis lequel les Soviétiques pourraient diffuser leur pouvoir et leur influence dans tout l'hémisphère occidental. Avant-propos. Ce travail offre un bref récit de l'opération de la CIA PB Success, qui favorisa le coup d'État de 1954 au Guatemala. Cette opération clandestine de la CIA contenta le président Eisenhower et les frères Dulles en évinçant le président Arbenz et en installant le colonel Castillo Armas à sa place. Au vu de l'histoire instable et souvent violente du Guatemala depuis la chute de Jacobo Arbenz Guzmán en 1954, nous sommes peut-être moins sûrs aujourd'hui que ne l'étaient la plupart des Américains à l'époque, du fait que cette opération fut une victoire de la guerre froide. Il est tentant de tirer des leçons de l'histoire et la CIA d'Allen Dulles conclut que le triomphe apparent au Guatemala, malgré une longue série d'impairs aussi bien dans la planification que dans l'exécution de l'opération, faisait de PB Success un modèle fiable pour de futures opérations. Toutefois, il existe un risque majeur dans le fait de tirer des leçons de l'histoire. De telles leçons se révèlent souvent illusoires, ou tout simplement fausses, lorsqu'on les applique dans des circonstances nouvelles et différentes. L'étude de Nick Kudasser sur PB Success dévoile les raisons pour lesquelles la CIA pensait que PB Success avait été une opération modèle, et pourquoi ce modèle échoua de façon si désastreuse lorsqu'il a été appliqué à l'ambitieuse tentative visant à renverser Fidel Castro lors de la baie des Cochons en 1961. Nick Kulasser rejoignit le History Staff de la CIA en juillet 1992, peu après avoir fini son PhD à l'Université de Virginie. Il est l'auteur de Illusions of Influence, The Political Economy of United States, Philippines Relations, 1942-1960, que les éditions Stanford University Press publieront cette année, 1995. En juillet 1993, il quitta la CIA pour prendre un poste de professeur assistant d'histoire diplomatique à l'Université d'Indiana. Cette publication est la preuve de son don exceptionnel pour l'histoire et de l'année extrêmement productive qu'il a passée avec nous. Enfin, je dois préciser que, bien qu'il s'agisse là d'une publication officielle de l'History Staff de la CIA, les vues exprimées, comme dans tous nos ouvrages, sont celles de l'auteur et ne représentent pas nécessairement celles de la CIA. J. Kenneth MacDonald, historien en chef. Chapitre 1. À la porte de l'Amérique. Il nous aurait renversés même si nous n'avions pas cultivé de bananes. Manuel Fortuny. L'opération de la CIA visant à renverser le gouvernement du Guatemala en 1954 fut pour l'agence le début de l'apogée de ses actions clandestines. Suivant de près les opérations réussies qui firent du Shah le dirigeant de l'Iran, l'opération du Guatemala, connue sous le nom de Payback Success, fut plus ambitieuse et produisit de bien meilleurs résultats que les précédentes. Plutôt que d'aider simplement un candidat important à obtenir le pouvoir au moyen de quelques pressions, Payback Success mena une campagne paramilitaire et psychologique intensive afin de remplacer un gouvernement démocratiquement élu par une personne sans intérêt sur le plan politique. Cette opération était inédite dans sa méthode, sa portée et sa conception, et son triomphe vint confirmer ce que croyaient la plupart des membres de l'administration Eisenhower : les opérations clandestines offraient un substitut sûr et peu onéreux aux forces armées dans la lutte contre les incursions des communistes dans le tiers-monde. Cette leçon, ainsi que d'autres tirées de Payback Success, firent s'endormir les officiels de l'agence et de l'administration dans une suffisance qui leur sera fatale à la baie des Cochons 7 ans plus tard. Les érudits ont critiqué l'agence pour son incapacité à avoir reconnu les circonstances uniques qui avaient mené au succès au Guatemala et pour ne pas avoir réussi à s'adapter aux conditions qui étaient différentes à Cuba. Les élèves qui étudient le coup d'État de 1954 mettent aussi en doute la nature du succès au Guatemala. Beaucoup prétendent que le gouvernement Arbenz, qui fut renversé, n'était pas un régime communiste, mais un gouvernement réformiste, qui représentait peut-être pour la région la dernière chance de changement progressiste et démocratique. Certains accusent l'administration Eisenhower et l'agence d'avoir agi sur l'ordre d'investisseurs américains recherchant leur avantage personnel et plus particulièrement de la United Fruit Company. D'autres affirment que c'est la paranoïa anticommuniste et non les intérêts économiques qui a dicté la politique, mais avec des résultats tout aussi regrettables. Les rapports de la CIA ne peuvent répondre à ces questions que de manière indirecte. Ils ne peuvent fournir de documentation sur les intentions des dirigeants guatémaltèques, mais seulement sur la façon dont les percevaient les analystes de l'agence. Des officiels de la CIA prirent part au processus qui mena à l'approbation de Payback Success, mais comme le montrent les documents, ils ne comprenaient souvent pas bien et ne s'intéressaient pas aux motivations des personnes au sein du département d'État, du Pentagone et de la Maison-Blanche qui prirent la décision finale. Toutefois, les rapports de l'agence fournissent de la documentation sur la conduite de l'opération, comment les agents secrets de l'agence interprétèrent le problème, sur les méthodes qu'ils appliquaient et les objectifs qu'ils poursuivaient, et sur les aspects des opérations qui, selon eux, menèrent au succès. Ils permettent de spéculer sur si de mauvaises analyses concernant PB Success ont mené des agents trop sûrs d'eux à planifier la baie des cochons. Toutefois, ils offrent avant tout une vue qui manque aux autres comptes rendus historiques, celle de la CIA. Les officiels de l'agence n'avaient qu'une vague idée de ce qui s'était passé au Guatemala avant l'accession au pouvoir de Jacobo Arbenz Guzman en 1950. Les historiens considèrent les événements des années 1940 et 1950 comme faisant suite à un cycle vieux de plusieurs siècles où s'alternaient changements progressifs et réactions conservatrices. Les officiers du Directorate of Plans, eux, croyaient qu'ils assistaient à un phénomène nouveau. Pour la première fois, les communistes avaient pris pour cible un pays à la porte de l'Amérique, afin de le corrompre et de le transformer en zone reniée. En comparant cet épisode avec les expériences passées, ils furent plus aptes à le mettre en parallèle avec la Corée, la Russie ou l'Europe de l'Est qu'avec l'Amérique centrale. Ils ne considéraient pas les événements dans un contexte guatémaltèque, mais comme faisant partie du schéma global de l'activité communiste. Il n'en reste pas moins que PB Success mit fin à un processus révolutionnaire qui avait commencé depuis plus d'un siècle, et que les actions des officiels guatémaltèques ne peuvent être comprises que dans le contexte historique de la région.